Allô? Allô, ouais, c'est moi. Comment ça va? Ça va et toi, tranquille? Alors, ton entretien de travail? Ah, je suis pas allé. Pourquoi? Laisse tomber, je suis pas assez bon. Quoi? Ils prendront jamais. Il y avait des gens, ils étaient meilleurs que moi, ça se voit. Tu veux reprendre l'école alors? Non, laisse tomber, je reprends pas l'école. Je suis pas assez intelligent. Et ta femme, t'as arrangé les histoires avec elle? Ouais, non. Je l'ai pas rappelé, laisse tomber. Ok. Je suis pas assez bien pour elle. Ah ouais, c'est ce que tu penses? Bienvenue à toi qui est là à m'écouter. Aujourd'hui on va parler des gens qui aiment s'auto-dégrader. De toutes ces personnes qui croient pas en elles, qui se dévalorisent toutes seules et qui ont le moral dans une poubelle. Si tu fais partie de ces personnes, la première chose à faire, faut vite que tu raisonnes, ça y'a que toi qui peux le faire. Surtout pense pas que tu sers à rien, qu'à personne tu peux plaire ou que t'es un bon à rien. Ça t'emmène où de penser ça de toi? Réfléchissons maintenant, regarde les gens autour de toi, ils avancent tous pendant. Et toi t'es là à laisser passer ta vie, et pour t'être auto-puni, t'as rien réussi, tout ce que tu fais c'est te rendre malade et vivre dans la tristesse. Quand tu te frustres comme ça, c'est limite la paresse. C'est vrai que c'est plus facile de rien faire et de baisser les bras, de se laisser aller sans rien faire, mais t'es pas fait pour ça. Tu peux être sûr que le bon Dieu a mis des qualités en toi, qu'il y a chez personne d'autre, cherche si tu les connais pas. Il a pour nous tous une mission, on doit être digne pour le servir. Si t'es là c'est pour une raison et pas pour t'auto-détruire. Garde toujours une bonne image de toi, aie confiance, te dévalise pas. Pense jamais que t'y arriveras pas. Déjà le matin, quand t'es devant ta glace, tu commences les critiques pour rien, tu te dis que t'as aucune classe. Pour des raisons de muscles, de coupe de cheveux, tu penses que tu serais mieux avec de beaux yeux bleus. Mais l'important dans un regard, c'est pas la couleur des yeux, c'est ce que tu dégages avec. En fait, faut qu'il soit radieux. Quel que soit ton aspect physique, tu peux rayonner autour de toi. Si t'arrêtes tes autocritiques, tu seras plus heureux, tu verras. Crois-moi que t'as tout ce qu'il te faut pour accomplir ta vie. Si pour toi t'as que des défauts, ça se peut que c'est que ton avis. Car t'es capable de te relever, tu t'es rabaissé tout seul. De la même manière que tu t'enterres, stop et reprends ton envol. Pourquoi beaucoup de personnes arrivent à faire beaucoup de choses et pas toi? C'est parce que toi, avant que t'essayes, t'as déjà baissé les bras. Faut plus réagir de la sorte, changer ta manière de penser. Et quand le bon Dieu t'ouvre certaines portes, t'as toi de pas les refermer. Garde toujours une bonne image de toi, aie confiance, te dévalise. N'en pense jamais que t'y arriveras. Jamais la réussite, c'est pas pour toi. Garde toujours une bonne image de toi, aie confiance, te dévalise. N'en pense jamais que t'y arriveras. Jamais la réussite, c'est pas pour toi. Ce que t'entreprends est vraiment fait pour toi. T'en fais pas, t'auras la force, le Seigneur te la donnera. Dans les quartiers des futurs joueurs de foot, et des médecins y en a qui deviendront de futurs chômeurs, perdent la foi et baissent les bras. Toutes les personnes qui réussissent pendant leur vie, leurs objectifs, c'est celles qui restent fortes dans leur tête. Crois-moi que c'est un point décisif. Y en a qui ont beaucoup de talent, mais crois-moi que c'est pas suffisant. Ce qui est le plus déterminant, c'est d'être toujours fort mentalement. Et y a beaucoup de gens qui en eux des capacités avaient, mais ils ont pas cru en eux, ont hésité, ont rien fait. Si tu essayes, tu échoues, au moins tu n'auras pas de regrets. Tu passeras pas le reste de ta vie à te dire pourquoi je l'ai pas fait. Alors fixe-toi des objectifs et fais des choses que t'aimes. Faut que tu réalises tes rêves, tu verras que ça en vaut la peine. Tes hésitations, tes gènes, faut que tu les rengaines. Maintenant il faut plus que ça traîne, jette-moi ces idées malsaines. Garde toujours une bonne image de toi, aie confiance, te dévalise. N'en pense jamais que t'y arriveras. Jamais la réussite, c'est pas pour toi. Garde toujours une bonne image de toi, aie confiance, te dévalise. N'en pense jamais que t'y arriveras. Jamais la réussite, c'est pas pour toi. Alors t'en penses quoi? Bah tu sais quoi, au moins je vais rappeler ma femme, je reviens. En fait, c'est quoi, t'as pas tort, je vais reprendre l'école. Comme ça, on va voir ce qui se passe après. Je vais chercher un autre travail. Je vais chercher dans une autre branche. Un truc que j'aime, en vérité, t'as raison. Faut que je fasse ce que j'aime. Là, je te reconnais. Ah, merci. Merci à toi. Tu verras, avec confiance en Dieu, il va t'aider. Prends soin de toi. Allez, ciao.